1-1. Ok. Bon, pour ce qui va suivre là, Mathieu, fais péter le son en façade là. Ok. Eh mais ma parole, c'est chaud ici. D'ailleurs, je vais aller me rafraîchir un petit coup. Mais pas de panique, hein, je vous laisse entre de bonnes mains. RH, c'est à toi de jouer. Brûle les MK2. Let's go.